À l'occasion du 24e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de président du Comité de la Défense Nationale de la République Populaire Démocratique de Corée, le quotidien coréen Rodong Sinmun a présenté le 9 courant un éditorial titré « Faisant honneur pour toujours aux idées et exploits du général Kim Jong-il en matière d'éducation d'une puissance socialiste ».